sur son fil n'a qu'une idée, c'est d'avancer. Et qu'il soit fort, il est fragile et s'accroche à son balancier. Poussière d'homme en majuscule, il suit le fil de sa pensée qui le tient là-haut, minuscule, en équilibre sur un pied. Le funambule sur son fil a les étoiles comme cible. Quand il avance un pas docile sur ce chemin de l'impossible, il suit le fil de son histoire, le cœur ouvert à tous les vents, où chaque pas est un espoir, chaque pas qui va de l'avant. Le funambule sur son fil du relatif à l'absolu n'est pas naufragé sur une île, mais libre, amant de l'inconnu. C'est tout son être qu'il expose, sans imposer ses certitudes. C'est tout son bonheur qui explose dans une bien tendre attitude. Le funambule sur son fil n'a plus qu'une idée, arriver. Tout d'un coup devient si facile, voilà qu'il se met à rêver. Rêver d'être en apesanteur, plus de centre de gravité, plus une crainte, plus une peur, atteindre la sérénité.